إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبفضل الله تعالى ومن كثرة نعمه علينا التي لا تحصى، من ذلك اليوم إن شاء الله سنبدأ في قراءة ذاك الكتاب صغير الحجم وعظيم المنفعة فيما يتضمن من فوائد وقواعد عظيمة وجليلة، ألا وهو الأربع القواعد، يقال كذلك القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، وذلك بشرح الشيخ الفاضل العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه. Donc de ce jour, inchallah, on va commencer à lire dans ce matin avec son explication, qui est les quatre règles. Livre dont l'auteur est le grand imam Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, dont on a déjà pris la biographie inchallah dans Thalathat al-Usul au début. Et cela, nous basons sur ce livre actuellement sur le charh de Cheikh al-Alama Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali rahmatullah ta'ala alayh, qui est l'un des savants contemporains de notre époque, décédé il y a peu de temps, il y a quelques années de cela. On a sallallahu yarhamahu jami'an, on yarhamahum jami'an. Une chose à savoir, que les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Sirasa'il sont à la base, ne sont pas en fait des livres qu'il a écrits pour la diffusion et la publication, mais étaient à la base des lettres écrites à des particuliers, comme un courrier. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans ces lettres qui par la suite ont été propagées et ont fait profiter à la umma. Son contenu scientifique est plein de preuves, avec une da'wa essentiellement basée sur le tawhid. Car comme on l'avait expliqué à son époque, rahimahullah ta'ala, ce qui est de plus répandu, c'était le shirk. Donc lui, il a concentré ses efforts sur le mal de son époque, qui était le shirk. Comme cela fait partie de la hikmah du da'i, qu'il raquise à la ma wa aham, qu'il se concentre sur ce qui est le plus important. Naam. Dans ce livre, inshallah, il va expliquer quatre règles fondamentales qui aident à dissiper beaucoup de shubuhat, d'ambiguïté que certaines personnes ont en ce qui touche au tawhid ou au shirk. Naam. Donc il a nommé ce livre, ou ça, cette lettre a été nommée Al-Qawa'id ou Al-Arba, ou Al-Arba Al-Qawa'id, qui veut dire les quatre règles. Des règles, il y en a plein. Mais celles-ci sont liées les unes aux autres, afin de démontrer plusieurs points qui ont été mal compris par beaucoup de gens. Dans ce qui touche à l'adoration. Fitouhid al-Uluhiyya. Donc, al-Qawa'id, c'est le djem de Qa'ida. Al-Qa'ida, à la base, c'est un sens de fondation. Non traduit par règle, mais une Qa'ida, mis le Qa'id al-Buyut, Qa'id al-Bayt, c'est la fondation sur laquelle se base la maison. Yani ma'nahu, mutashabih bi ma'na al-asl. Ça ressemble au sens de l'origine, du fondement. Wa yu'alam an al-Qa'ida la yustadalu biha, lakin yustadalu laha. La Qa'ida, en elle-même, n'est pas un dalil. Souvent dans les usul al-fiqh, dans plein de ulum, on va entendre al-Qa'ida taqul kaza wa kaza. Al-Qa'ida taqul kaza wa kaza. La règle dit telle et telle chose. La règle dans le sujet est telle et telle chose. La règle en elle-même n'est pas un dalil. Mais cette règle est basée elle-même sur un dalil. À bien comprendre cela. Ne pas dire j'ai donné une règle, donc j'ai mon dalil. Non, on dit tu as donné une règle vraie, authentique, basée sur une preuve, en effet. Donc pour résumer, on donne la règle, mais chaque règle à la base a elle-même besoin d'un dalil. Donc celui qui a appris les adillah à la base, les règles, il va les discerner facilement, bi fadlillah ta'ala. C'est une chose à laquelle a péché Mourbil, rahmallahu ta'ala, de ne pas se fatiguer à apprendre les règles, mais d'apprendre les adillah. Et quand les adillah sont mémorisés et compris et assimilés, les règles viennent toutes seules par la suite. Bi fadlillah ta'ala. Donc là, on va commencer par lire le matan et ensuite lire le ta'liq de Cheikh Zayd al-Matrali. Rahmatullah alayhi. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أي شيخ محمد ابن عبد الوهاب قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. Donc la traduction à peu près de ces paroles, c'est que il dit: je demande à Allah le Karim, Seigneur du trône immense, qu'il te prenne comme allié en ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'il te rende Mubarak. On avait expliqué qu'on n'aime pas trop traduire par béni, quand même, donc c'est un comme il est, Mubarak, où que tu sois. Et qu'il fasse de toi, qu'il te rende parmi ceux qui, lorsqu'on leur donne, sont reconnaissants, remercient. Ceux lorsqu'ils subissent ou sont éprouvés, patientent. Et celui lorsqu'il commet un péché, demande pardon. Car ces trois choses, ces trois points essentiels, sont le titre du bonheur. Sont le titre du bonheur. Donc là, on va commencer directement par les paroles de Cheikh Zayd al-Matrali. قال رحمه الله تعالى تحت في رقم واحد قال ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بالدعاء والتضرع إلى الله لقارئها وسامعها ولكل من يطلع عليها وهذه طريقة المؤلفين القدماء رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل وإلى رحمته ومعرفته إلى عنايته به ورعايته له. Donc il dit que l'auteur a commencé tout d'abord cette lettre par le dua, les invocations. Et on va dire le fait de revenir à Allah, de le supplier. Et cela pour qui ce dua? Pour le lecteur, ou pour celui qui écoute, ou celui qui en prendra connaissance. Et telle est la voix des anciens auteurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, pour le fait qu'ils savaient le besoin dont le serviteur, ce dont le serviteur est en besoin, de la miséricorde d'Allah et de son pardon. Hadha wa qasduhu. Et de là, il faut savoir que les dua, si jamais tu invoques pour quelqu'un, tu invoques pour quelqu'un. Mais si jamais tu te cites dans le dua, alors tu commences par toi. Tu commences par toi dans le dua. Et ensuite, la personne pour qui tu veux invoquer. Par exemple, tu ne vas pas dire « Nas'al Allah an yahfazaka wa iyaya » Que Allah te préserve ainsi que moi. Non, tu dois dire « Nas'al Allah an yahfazani wa iyaka » Que Allah me préserve ainsi que toi. Azahu. الدعاء تبدا بنفسك اولا par ta propre personne. Même en langue arabe, quand tu parles, tu commences par toi-même. Ana wa fulan. Jittu ana wa fulan. Fa'altu hadha ana wa fulan. Je suis venu moi et un tel. J'ai fait telle chose moi et un tel. Contrairement à la politesse française qui elle t'appelle à te mettre en dernier. Je ne sais pas pourquoi. Mais à la base, chacun en religion, yuqaddim nafsah. Il fait prévaloir sa personne, c'est normal. Car dans sa tombe, il sera seul. Dans son jugement, il sera seul. Akaza, yuqaddim nafsah. Un verset qu'on répète souvent, et qui est un verset clé, qui amène à comprendre beaucoup de choses, que le serviteur commence par lui-même, quand Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, sauvez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu. Il commence par qui? Par vous-même. Tu commences par toi en premier. Et comme de la hadith qu'on a pris aujourd'hui, ibda biman ta'oul, tu commences dans les obligations par les gens qui sont à ta charge. Avant d'aller faire sadaqa pour une personne à l'extérieur, commence déjà par dépenser pour ta famille. Les obligations. Les actes préférés pour Allah subhanahu wa ta'ala sont les obligations. D'accord. Ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in uhibbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Que mon serviteur de 16 qui se rapproche auprès de moi, ou plutôt que mon serviteur ne se rapproche de moi que parce qu'il est plus aimé auprès de moi. Et ce qui est plus aimé auprès de moi, ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc les obligations sont les actes plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a commencé par dua, mais là pour le lecteur. Tamam? Pour le lecteur. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, Al-Karim, Rabb bil-Rububiyya, Arash al-Azim, Seigneur du trône immense. Pour le trône est la plus grande des créatures. La plus grande des créatures. Donc là, ce dua, Taïm Nouasil ma ba'akalem mu'allifa walem. Al-Shari'h. ثم قال فقدم رسالة بهذا الدعاء الكريم لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل من نعم الدين والدنيا فشكر الله عليها كان خيرا له أو ابتلاه فصبر كان خيرا له كذلك أو وقع في ذنوب ولابد أن يقع فاستغفر غفر الله له ومن دون شك أن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في الحياة العمل وفي دار الجزاء على العمل فضلا منه ورحمة وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. Donc il poursuit en disant, le charih, commentateur, que l'auteur a commencé donc par cette invocation noble. Car la personne, si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, lui accorde, le gratifie parmi les bienfaits du din et de la dunya, alors qu'il le remercie, c'est le meilleur pour lui. Que si jamais il l'éprouve et qu'il patiente, c'est le meilleur pour lui également. Et que s'il tombe dans les péchés et cela est inévitable, qu'il demande pardon et qu'Allah lui pardonne, d'accord? Donc il ne fait aucun doute que si Allah assemble ou rassemble pour le serviteur ces trois choses-là, alors il aura certes accordé le bonheur, le bien-être et la bonne vie, baraka, en ce bas monde qui est la vie des œuvres, comme on l'expliquait, et dans la vie de la rétribution qui est celle de l'au-delà. Selon ton rétribut, en fonction de tes œuvres. Et tout cela par sa grâce. Pas même par sa grâce. et sa miséricorde. Et certes, Allah est le détenteur de la grâce immense. Naam. Et ça, c'est appuyé par un hadith. Vous voyez, un hadith de Abi Yahya Suhaib. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعجبا أمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلى المؤمن فإن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابه سراء فصبر فكان خير له. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la situation du muslim est surprenante, étonnante, dans le sens positif, bien entendu. Et cela n'est valable que pour le mu'min, le croyant. Que si il lui arrive un bienfait et qu'il remercie, cela lui est meilleur. Et s'il lui arrive une épreuve et qu'il patiente, cela lui est meilleur. Donc quoi qu'il en soit, c'est à toi de tirer l'avantage de ta situation. Un bien te parvient, remercie, cela t'est meilleur. Une chose te touche, patiente. Et cela t'est meilleur. Il n'y a pas lieu de se lamenter, de s'irriter. Car tout cela provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de son décret. Et c'est ça la patience. Et le remerciement également. Le fait de ne pas remercier amène à ce que Allah puisse rajouter de l'épreuve. Comme le ta'ala, in kafartum, in azabi shadid. Que votre Seigneur a proclamé que si jamais vous êtes ingrat et non reconnaissant, alors son châtiment est certes rude. Celui qui est ingrat envers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala subira un châtiment rude pour cela. Tout comme celui qui ne patiente pas sur l'épreuve, il verra son épreuve amplifiée ou s'endurcir sur lui. Donc Allah accepte la tawba de son serviteur. Min asma'i at-tawwab. Parmi ses noms, le tawwab, celui qui accepte le repentir de son serviteur. Comme a dit Ta'ala, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Ne savent-ils pas que Allah accepte le repentir de son serviteur? Et dans le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لَاللَّهُ أَفْلَحَ بِتَوْبَةَ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَكَتَ عَلَى بَعِيرِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَحٍ. رواه مسلم متفق عليه. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est encore plus content de la tawbah de son serviteur lorsqu'il se repent que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans le désert, qu'il l'a perdu puis qu'il la retrouve. Et sa monture sur laquelle il y avait tout dans une version, avec son eau et sa boisson et sa nourriture, et qu'il a désespéré de la retrouver. Donc il va s'étendre dans l'ombre d'un arbre en attendant la mort. Et après, il voit sa monture qui arrive. Il est pris d'une joie immense, à tel point qu'il se trompe. Il dit Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Fahimt? Min shiddati al-farah yukhti. Tellement il est content qu'il se trompe. Il dit oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Donc Allah s'en est encore plus content de notre tawba lorsqu'on a fait un péché que cette personne-là. Pour réaliser le bienfait de la tawba, de ne pas désespérer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et car, comme le shir le dit, tomber dans le péché est une chose qui est inévitable. Inévitable. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala gratifie le serviteur de ces choses-là en ce bas monde, lui accorder certes une bonne vie. Une bonne vie, comme le ta'ala, wa man ya'mal saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'min. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens où il dit que quiconque œuvre dans le bien, homme ou femme, alors nous lui accorderons une bonne vie. Une bonne vie. Et nous lui rétribuerons, ou nous lui accorderons sa récompense, encore mieux que ce qu'il aura œuvré. C'est ça la bonne vie. La bonne vie, ce n'est pas forcément comme on peut se l'imaginer au matériel, les richesses mondaines, ce genre de choses. Ce n'est pas ça la bonne vie. La bonne vie en cette dunya, c'est ces trois points essentiels pour le serviteur. qu'il remercie lors d'un bienfait. Aussi minime soit-il, qu'il patiente sur l'épreuve, aussi grande soit-elle, et qu'il demande pardon pour les péchés, aussi nombreux soit-il. Et celui qui réunit ces trois points-là, sera heureux au bas monde. ثم قال المؤلف أو شارح لهذا قال المؤلف فإن هؤلاء الثلاث يعني من أعطي شكر وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر عنوان السعادة فالشكر عند النعمة والصبر عند الابتلاء والاستغفار في كل حال لا سيما عند الذنوب والتوبة منها فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة المباركة كما سلفت وسلفت قريبا وبعد هذا شرع المؤلف في موضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على تنبيه وهو وسيأتي. Donc là le commentateur il répète que ces trois choses là, celui qui remercie lorsqu'on lui accorde, qui patiente lorsqu'il subit et qui demande pardon lorsqu'il commet les péchés, sont les signes du bonheur. Car il faut remercier lors du bienfait et patienter lors de l'épreuve et demander pardon en toute situation. Même si tu n'as pas fait de péché, l'istighfar tu le fais. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yastaghfir akthar min 70 marra, ou 100 marra. Prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon plus de 70 fois par jour ou 100 fois par jour. Et pourtant, ses péchés antérieurs et à venir étaient déjà pardonnés. Alors que dire de nous ? Donc celui qui réunit à ces trois choses-là aura une bonne vie mubaraka. Naam. Puis l'auteur débuta dans le sujet en commençant en disant فَالْأَنْ أَقْرَى كَلَمْ شَيْهَ مُحَمَّدْ إِبْنَ الْوَهَابِ فِي الْمَتْنِ قَالَ إِعْلَمْ أَرَشَدَكَ اللَّهُ لِتَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ هِيَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فقال donc là l'auteur il dit sache qu'Allah t'accorde la droiture pour son obéissance, que la Hanafiya c'est la religion d'Ibrahim, que tu adores Allah seul sincèrement en lui envoyant un culte sincère comme il dit dans le sens et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Cheikh Zayed Matrali, il dit I'alam, yani en prenant le kalam du mu'allif, I'alam, wa huwa khitab am li kulli muslimin wa muslimatin, tanbihan lahum, wa iqadhan li hamamihim, li yasta'iddu lima sayati min at-tawjihat al-karima, wal-wasaya al-azima, thumma aqaba al-tanbiha bid-du'a'i. وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه ودعاء لغير الله أو لغيره له لا سيما بظهر الغيب فكم فيه من فضل ورجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله آمين ولك بمثله والحديث أخرجه مسلم. Donc lorsqu'il dit sache que cela est un discours tourné, un discours général pour tout musulman et toute muslima, pour attirer son attention et l'éveiller sur une chose qui va arriver par la suite, qu'il s'y prépare, qu'il va recevoir comme directive et comme exhortation. Ensuite, l'auteur est venu par un dua. Nous savons que l'être humain est en plus grand besoin de dua pour lui-même. Également, des dua des autres pour lui-même. Et tout particulièrement, les dua qu'on fait pour lui en secret. Comme par exemple, quelqu'un qui invoque pour son frère en sujoud. Car cela lui apporte quoi, celui qui fait cela? Ça lui revient lui-même. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invoque pour son frère secrètement, alors l'ange, il y a un qui lui a été attaché, qui est confié de toutes ses œuvres, lui dit « Amin » et pour toi la même chose. C'est-à-dire ce que tu demandes pour ton frère, cela également l'ange le demande pour toi. Donc tu n'as rien à perdre à manquer pour les gens. À manquer pour les gens, cela te revient à toi. Biznillah ta'ala. Après, il poursuit en disant wa ma'na arshadaka Allah li ta'ati ay alhamaka ta'atahu bi rujd wa li'tisam biha li'anna man alhamahu Allah rujdahu faqad faza fawzan 'azima wa ta'at rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ta'atu Allah kama fi qawli Allah 'azza wa jalla wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah wa amara Allah bi ta'atihi wa ta'at rasulihi wa ta'at wali al-amr al-muslimin في آية واحدة حيث قال يا أيها الذين آمنوا واتعوا الله واتعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc le commentateur est dit le sens de qu'Allah t'accorde la droiture pour son obéissance, c'est-à-dire qu'il t'illumine, qu'il t'éclaire vers cela, vers son obéissance. Un roujd, un rachid, c'est une personne qui a les idées bien placées, une personne réfléchie, sensée, sagace, raisonnable, clairvoyante. Car celui à qui Allah accorde cela, c'est-à-dire que ce roujd est placé dans son obéissance, dans son adoration, car des gens, ils ont du roujd en dehors de la ta'a. Dans certaines choses, il y a des gens, tu les vois, ils sont perspicaces. Ils comprennent plein de choses. Certains, par exemple, ils ont ce qu'on appelle du talent. Dans certains domaines, la salaine, tu as des gens, tu vas les mettre à la tête d'une entreprise, ils vont bien la gérer. On va dire que de leur fi amrihim lahum rujd, ils ont de la clairvoyance, ils ont de la droiture. Mais cela, ça ne concerne pas l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle de quelqu'un qui a un rujd dans la ta'a, dans le din. Il sait comment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et éviter ses interdits. Donc celui à qui Allah a accordé cela, il dit que celui-là a obtenu la victoire. Car c'est ce qui est le plus important, vu que c'est pour cela qu'on a été créé. Donc qu'il obéisse à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Allah dans le sens où il dit, et nous n'avons envoyé de messager, si ce n'est qu'il soit, pour qu'on lui obéisse, qu'il soit obéi avec la permission d'Allah. Et que Allah a ordonné son obéissance, ainsi que celle de son messager, et celle des gouverneurs, des musulmans, en un seul verset. Lequel est-il dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs du pouvoir. On avait expliqué la faïda que les ulama avaient dit par rapport à ce verset, qui démontre que l'obéissance à Allah, elle est mutlaqan, dans l'absolu. Celle à son messager, elle est mutlaqan. Car elle dit, ati'u Allah, obéissez à Allah. Ati'u Rasul, obéissez aux messagers. Après, il ne dit pas, ati'u ulil amr minkum. Mais il dit, wa ulil amr minkum. Après avoir obéi à l'ange messager, on obéit au gouverneur. Mais cette obéissance coordonne avec celle d'Allah et son messager, bien entendu. Sinon, pas d'obéissance. Et comme on l'a expliqué, pas d'obéissance ne veut pas dire révolte également, ni de sortie. Naam. Hadha. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, on est dans la Muqaddima de l'auteur. Et ce qu'il y a d'essentiel à retenir, c'est le dua qu'il a fait pour le lecteur, et que les trois titres du bonheur en ce bas monde sont de remercier lorsqu'on est gratifié par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter lorsque nous sommes éprouvés, et de demander pardon lorsqu'on commet un péché, et même lorsqu'on n'en commet pas. Même lorsqu'on n'en commet pas. Celui qui réunit ces trois points-là obtiendra le bonheur en ce bas monde. Bi'iznillahi ta'ala. Naam. فنكتفي بهذا اليوم ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك